إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tout d'abord je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver et de vous faciliter. Comme cela a été annoncé, le titre de la conférence d'aujourd'hui et certaines caractéristiques de l'étudiant en sciences. Et pour traiter de ce sujet, nous allons lire un passage du livre intitulé « L'éthique des mémorisateurs du Coran » de l'éminent savant Abu Bakr al-Ajurri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Donc nous allons lire et commenter une partie du quatrième chapitre de ce livre qui s'intitule « La mention des comportements des gens du Coran ». Car l'étudiant en sciences doit donner une importance particulière au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car les grands savants de cette communauté ont clarifié en tout temps et à toute époque que le Coran est la base de toutes les sciences. On retrouve toutes les sciences dans le Coran. C'est pour cela que l'étudiant en sciences doit donner une importance particulière au Coran. Donc l'imam al-Ajurri rahimahullah nous dit: il convient à celui à qui Allah a enseigné le Coran et qu'il a préféré à d'autres parmi ceux à qui il n'a pas fait porter son livre, et pour celui qui aime être parmi les gens du Coran et les gens d'Allah et ses privilégiés, d'être parmi ceux à qui Allah a promis une immense faveur, ceux que nous avons déjà mentionnés précédemment, ceux au sujet desquels Allah a dit « Yatlounahu haqqa tilawati » qui le récite comme il se doit. Ici, dans ce verset, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yatlounahu haqqa tilawati » qu'il le récite comme il se doit. Ici, ce qui est voulu, c'est le Coran. Et il y a quelque chose de très important concernant ce verset. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Il nous dit « Yatlounahu haqqa tilawati » qui le récite comme il se doit. Et les savants nous disent le verbe « tala » a deux sens. Le premier sens et la récitation. Tu dis par exemple Tala Zaydun al-Qur'an, c'est-à-dire Zayd a récité le Qur'an. Ça c'est le premier sens. C'est pour ça qu'on dit Tilawatul Qur'an, la récitation du Qur'an. Et les savants nous disent également que le mot Tala a un autre sens, et ce sens-là est le suivi. Le sens de Tala, donc le deuxième sens, c'est le suivi. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Yatlounahu haqqa tilawati » et qu'il le récite comme il se doit, ceci englobe la récitation. C'est-à-dire qu'il récite le Coran comme il se doit. Et également, ça englobe le deuxième sens, c'est-à-dire qu'ils suivent le Coran comme il se doit. Et ceci nous indique que le croyant ne doit pas uniquement lire le Coran, mais il doit en plus de sa lecture le suivre. Il doit en plus de sa lecture le suivre. Car nous avons dans notre communauté des gens qui lisent le Coran. Nous avons des groupes qui lisent le Coran. Mais tu vas les voir, par exemple, qui vont invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que lorsqu'ils lisent le Coran, ils passent forcément par la parole d'Allah. Wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala seul. N'invoquez personne avec lui. Pourtant, ils invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons également dans notre communauté des groupes qui lisent le Coran, mais qui vont faire des bid'ah, qui vont faire des innovations, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans ajout ni diminution. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, et suivez ce que votre Seigneur a révélé. Et ce que notre Seigneur a révélé, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans sourate Al-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, c'est plutôt une révélation qui lui est faite. Par conséquent, l'un des comportements, l'une des caractéristiques des gens du Coran est qu'ils suivent ce qu'il y a dans le Coran. Ils suivent ce qu'il y a dans le Coran. Et faisons le lien avec un hadith authentique. D'après notre mère à tous, Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle fut questionnée concernant le comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit kana khulquhu al-Qur'an, c'est-à-dire le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était conforme au Coran. Et c'est comme ça que l'étudiant en sciences doit être. Son comportement doit être conforme au Coran. Non. Ensuite, il dit, il a été dit dans son exégèse que cela signifie ceux qui le mettent en pratique, comme il se doit, comme nous venons de le mentionner. Ensuite, il dit, rahmahullah, par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. Celui qui récite le Coran avec excellence est avec les nobles et obéissants anges ambassadeurs, et celui qui récite le Coran avec difficulté aura deux récompenses. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ceux qui récitent le Coran sont de deux catégories. La première catégorie, celui qui excelle dans la récitation. Et la deuxième catégorie, celui qui récite le Coran avec difficulté. Ceux de la première catégorie sont avec les nobles et obéissants anges ambassadeurs. Et ceux de la deuxième catégorie ont deux récompenses. Une récompense pour leur récitation et une autre pour la difficulté. Et il y a dans cela une incitation et un encouragement pour les musulmans à apprendre le Coran. Même si ça peut leur être difficile, ils doivent patienter sur cette voie, car la récompense est immense, en sachant qu'à un moment donné, la récitation va devenir plus facile, car ceux qui excellent dans la récitation du Coran sont eux aussi passés par cette étape et avaient des difficultés dans la récitation. Ensuite, il dit, rahmahullah, Bijr ibn al-Harif a dit, j'ai entendu Isa ibn Yunus dire, lorsque le serviteur récite le Coran en entier, un ange l'embrasse entre les deux yeux. Cette parole demande des preuves claires tirées de la sunna. Il n'y a aucune preuve authentique à ce sujet. Ensuite, il dit, rahmahullah, celui-ci doit faire en sorte que le Coran soit une réjouissance pour son cœur. Effectivement, l'étudiant en sciences, celui qui mémorise le Coran, doit faire en sorte que le Coran soit une réjouissance pour son cœur. C'est-à-dire, il doit faire en sorte que le Coran ait un impact sur son cœur, jusqu'à ce que cela apparaisse sur ses membres. Et ça, yaïkhoua, c'est quelque chose de très important. Celui qui étudie la science, qui lit le Coran, il doit faire en sorte que le Coran ait un impact sur son cœur. Et si le Coran a un impact sur son cœur, ça va apparaître sur ses membres. Ça va apparaître sur ses membres. Tout comme la terre après la pluie. Tout comme la terre après la pluie. Il sort de la terre de nombreuses végétations et fruits. Ainsi, l'impact de la pluie est apparent sur la terre. Et il en est de même pour le Coran. Il doit avoir un impact sur celui qui le mémorise. Un impact sur ses actions, son comportement, ses paroles et autres. Ensuite, il dit, rahmahullah, par laquelle il vivifie son cœur de ce dont il est affecté. C'est-à-dire que l'étudiant en science, celui qui mémorise le Coran, doit fortifier son cœur avec le Coran. Il doit fortifier son cœur avec le Coran. Car le cœur peut être affecté par certaines choses. Et les choses qui affectent le cœur sont de deux types. Premièrement, nous avons ash-shubuhat, les ambiguïtés. Les ambiguïtés qui vont corrompre le serviteur dans sa foi et dans sa certitude. Dans sa foi et dans sa certitude. Deuxièmement, nous avons les passions qui vont corrompre le serviteur dans ses intentions et ses œuvres. Et le mémorisateur du Coran fortifie et réforme ce qui est affecté de son cœur par le Coran. Il enlève les ambiguïtés et repousse les passions. Et de ce fait, il améliore sa situation. Ensuite, il dit, rahmahullah, il doit aussi s'éduquer par les manières du Coran et se caractériser par des nobles mœurs. En effet, le Coran comporte de nombreux comportements, que ce soit dans les adorations, les relations avec les gens, le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète. Le Coran est rempli de bons comportements. Par conséquent, celui qui mémorise le Coran doit se caractériser par ses nobles caractères. Comme nous l'avons mentionné précédemment, lorsque Aïcha radiallahu anha fut questionnée concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit que son comportement était conforme au Coran, c'est-à-dire qu'il accomplissait les ordres d'Allah azza wa jal, délaissait ses interdits et se caractérisait par les comportements du Coran. Et c'est ainsi que l'étudiant en science, celui qui mémorise le Coran, doit se comporter. Ensuite, il dit, rahmahullah, qui le distingue de tous ceux qui ne récitent pas le Coran. C'est-à-dire que le mémorisateur du Coran doit être différent de ceux qui ne le mémorisent pas. Il ne doit pas être grossier, impudique, faible d'esprit et autres. Car dans ce cas, il n'y aura pas de différence entre lui et ceux qui ne mémorisent pas le Coran. Il n'y aura pas de différence entre lui et ceux qui n'étudient pas la science. Et méditez avec moi la parole d'un grand imam de cette communauté, qui n'est autre que Sofiane ibn Uyayna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Cet imam a certes dit une parole immense dans ce sujet. Il dit, rahmahullah, si ma journée est similaire à celle des stupides et que ma nuit est similaire à celle des ignorants, que fais-je donc avec cette science que j'ai écrite? Je répète, pour ceux qui prennent des notes, Sofiane ibn Uyayna a dit, si ma journée est similaire à celle des stupides et que ma nuit est similaire à celle des ignorants, que fais-je donc avec cette science que j'ai écrite? C'est-à-dire, si je ne profite pas de ma science et ne me distingue pas de ceux qui sont ignorants, quel est le bénéfice de cette science que j'ai appris? Ceci est très important. Celui qui étudie la science, on doit voir cela à travers son comportement, à travers ses paroles, à travers son accoutrement et autres. L'étudiant en science doit se distinguer des autres. Il ne doit pas être comme les autres. Malheureusement, parfois, ici au Cameroun, tu vas au marché pour acheter quelque chose et tu vois qu'une personne, comme on dit, minalladhina yushar ilayhim bil banan, parmi ceux qu'on montre du doigt en disant ça c'est un étudiant en sciences et autres, tu le vois se comporter comme les gens de la masse. Tu le vois être grossier, impudique et autres. Et ceci ne convient pas, Yahri. Tu es un étudiant en sciences. Tu mémorises le Coran. Comment peux-tu te comporter comme les dévoyés et autres? Tu dois être meilleur qu'eux. Tu dois te distinguer d'eux, que ce soit par la parole, que ce soit par les actes et autres. Ensuite, il dit, rahmahullah, la première chose qu'il doit donc faire est d'observer la crainte d'Allah, Azza wa Jal, en secret et en public. C'est-à-dire que l'étudiant en sciences, celui qui mémorise le Coran, doit concrétiser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure définition qui fut donnée de la crainte d'Allah Azza wa Jal est celle de Talq ibn Habib rahimahullah, qui fait partie des tabi'in. Il dit rahimahullah, la crainte d'Allah consiste à agir dans l'obéissance d'Allah, d'après une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et c'est abandonner la désobéissance d'Allah d'après une lumière venant d'Allah par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, barakallahu fikum, j'aimerais attirer votre attention sur un point qui est très important. Nous allons relire la parole du cheikh. Il dit, rahmahullah, la première chose qu'il doit faire est d'observer la crainte d'Allah Azza wa Jal en secret et en public. Par conséquent, barakallahu fikum, la crainte d'Allah n'est pas uniquement en public. Car certains vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans les assises de science, au marché, na'am, dans les transports et autres. Mais lorsqu'ils vont se retrouver tout seuls, ils ne vont plus avoir cette crainte. Alors que la crainte d'Allah Azza wa Jal doit être en public et en secret. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, « Ittaqillaha Haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Car Allah subhanahu wa ta'ala te voit partout. Par conséquent, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Ensuite, il dit, rahmahullah, en délaissant ce dont il craint que ça le nuise à son au-delà, parmi la nourriture, la boisson, les vêtements et les gains. Et tout ceci rentre dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la crainte d'Allah azawajal est de plusieurs types. Et parmi elles, il y a ce qu'on appelle al-wara, la retenue. Car la personne ne fera pas preuve de retenue si elle ne craint pas Allah. Et celui dont la retenue est minime, sa crainte d'Allah le sera également. Ainsi, le pieux doit faire preuve de retenue. Al-wara, la retenue, consiste à délaisser ce qui est nuisible dans l'au-delà. L'auteur nous dit, rahmahullah, que le mémorisateur du Coran doit délaisser ce dont il craint que cela nuise à son au-delà, dans la nourriture, la boisson, les vêtements et les gains. C'est-à-dire qu'il ne consomme que ce qui est licite et délaisse ce qui est illicite. Il ne porte que ce qui est licite et s'écarte de l'illicite. Et il fait de même concernant les gains. Et tout ceci demande de la science. Ensuite, il dit, rahmahullah, il doit être sur une clairvoyance au sujet de son époque et de la corruption de ces gens afin qu'ils prennent garde contre eux pour sa religion. En effet, l'adepte du Coran doit être sur une clairvoyance au sujet des gens de son époque, ainsi qu'au sujet des choses dans lesquelles ils sont tombés, pour ne pas tomber dans ces choses. Et aussi, pour pouvoir mettre les gens en garde contre ces choses. Et il ne lésine pas sur les moyens dans ce sujet, car ceci est la voie des gens qui veulent le bien et ceux qui conseillent les gens. Et Allah Azzawajal nous a clarifié dans son noble livre que ceux qui veulent le bien et conseillent les autres n'hésitent pas à faire beaucoup d'efforts. Méditez sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 20 de Surat Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَجَاءَ مِنْ أَقَصَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens dans ce verset? Un homme a couru du bout de la ville. Pour faire quoi? Pour du commerce? Pour un mariage? Là, la réponse est non. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit selon le sens et dit: donc un homme a couru du bout de la ville et dit: ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Qasas: un homme a couru au bout de la ville et dit: Moussa, les notables se concertent à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, je suis pour toi un conseiller sincère. Donc le fait que ces deux hommes se trouvaient au bout de la ville ne les a pas empêchés de conseiller et d'avertir. Ensuite, il dit, rahmahullah, s'occupant de ses propres affaires et se souciant de réformer ce qui est corrompu de son affaire. En effet, l'étudiant en sciences, le mémorisateur du Coran, s'occupe de ses propres affaires. En effet, le mémorisateur du Coran, l'étudiant en sciences, s'occupe de ses propres affaires et fait des efforts pour se réformer. Il regarde ses manquements envers Allah Azzawajal et craint d'être châtié dans l'au-delà, ce qui le pousse à se remettre sans cesse en question et multiplier les œuvres pieuses pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il donne une importance particulière aux œuvres qui vont être la cause de sa réforme. Et parmi ces œuvres, on retrouve la lecture du Coran avec méditation. L'éminent savant Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, a dit à ce sujet, il n'y a pas plus profitable pour le cœur que la lecture du Coran avec méditation. Fin de citation de la parole d'Ibn al-Qayyim, rahmatullah. Également, on retrouve l'étude de la science religieuse et plus particulièrement le tawhid. Car comme vous le savez, le tawhid se divise en trois catégories. L'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs. Plus le serviteur étudiera l'unicité de la seigneurie, plus il connaîtra les actions parfaites d'Allah Azzawajal. Plus il étudiera l'unicité de l'adoration, puis il fera preuve de sincérité dans ses adorations. Plus il étudiera l'unicité des noms et attributs, plus il se rendra compte à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est immense et parfait. Et tout ceci sera une cause que son amour d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente. Car plus tu aimes Allah et plus tu ressens le besoin de te rapprocher de lui. C'est pour ça que l'éminent savant Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit Al-mahabbatu asasul haraka. Al-mahabba asasul haraka. C'est-à-dire l'amour est la base de tout mouvement. L'amour est la base de tout mouvement. C'est-à-dire ce qui pousse les gens à œuvrer et à faire beaucoup d'efforts dans une chose est l'amour qu'ils portent à l'égard de cette chose. Ne vois-tu pas que ceux qui sont attachés à l'argent et qui l'aiment d'une manière démesurée sont prêts à tout, quitte à dormir peu, voyager, user leur santé et sont prêts à faire de nombreux sacrifices. Tout ceci à cause de l'amour qu'ils ont pour l'argent. Ainsi, plus le croyant va apprendre et connaître Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va l'aimer et détester lui désobéir. Plus il va connaître Allah et plus il va faire des efforts pour se réformer. Ensuite, il dit, rahmahullah, préservant sa langue. Ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous donne une caractéristique de l'étudiant en sciences. Cette caractéristique et qu'il préserve sa langue. En effet, il ne convient pas qu'il insulte, soit grossier, mente, colporte et autres. Soit il parle pour dire du bien, dans le but que cela profite aux gens, soit il se tait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. L'étudiant en science, celui qui mémorise le Coran, est plus à même de préserver sa langue, car il donne une importance particulière au Coran. Et dans le Coran, Allah nous a ordonné de préserver nos langues et de dire des bonnes paroles. Ensuite, il dit, rahmahullah, en étant sélectif dans ses paroles. S'il parle, il parle avec science quand il voit qu'il y a lieu de parler. C'est-à-dire que l'étudiant en science, celui qui mémorise le Coran, avant de parler, il doit analyser ce qu'il veut dire. S'il y a un bien dans ce qu'il veut dire, il parle. Et lorsqu'il parle, il parle avec science. Ensuite, il dit, rahmahullah, et s'il se tait, il le fait avec science quand il y a lieu de se taire. Dans le cas où il n'y a rien à dire, dans le cas où il n'y a rien à dire, ou que ce qu'il veut dire n'est pas profitable, il se tait avec science. Il sait que s'il prononce cette parole, il s'expose à un châtiment, car toutes ces paroles sont inscrites. Il devra rendre des comptes pour toutes ces paroles. De ce fait, il se tait, car le silence est une préservation. Les méfaits de la langue sont immenses. Une parole peut être la cause d'un châtiment douloureux dans l'au-delà. Et la preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Jundub radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme s'exclama et dit: Wallah, la yaghfirullahu li fulan, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Allah le Très-Haut dit alors: qui est-ce qui jure que je ne pardonnerai pas à un tel? Je pardonne certes à un tel et annule tes œuvres. Regardez, Ya Ikhwa, il a dit une seule phrase. Il a dit: Wallah, la yaghfirullahu li fulan, par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Une seule phrase. Allah subhanahu wa ta'ala a annulé ses œuvres. La langue, la dangerosité de la langue, subhanallah. Aujourd'hui, combien de paroles on dit sans y prêter attention? Combien de paroles on dit sans y prêter attention? On parle sur les gens comme ça. Un tel est comme ceci, un tel est comme cela. Et je tiens à vous rappeler une chose très importante concernant le fait de parler sur les gens. L'ulama nous donne une règle de base que tout musulman se doit de connaître. Les ulama nous disent que la base, c'est que parler sur les gens est interdit. Ça, c'est la base. Parler sur une personne, parler sur un musulman, la yajouz, haram, c'est interdit. Illa inda darura wa inda al-haja. On sort de cette base lorsqu'il y a une nécessité, lorsqu'il y a un besoin. Comme le fait, par exemple, de parler sur un innovateur, parler sur quelqu'un qui fait du mal aux musulmans. Néanmoins, même lorsque tu parles sur cette personne, même lorsqu'il y a une daroura, une nécessité, lorsqu'il y a ce qu'on appelle al-haja, un besoin, tu reviens à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: wa idha qultum fa'adilu. Et lorsque vous parlez, soyez juste. Tu es juste dans tes paroles. Même quand tu parles, fi ahl al-bida'i wal ahwa. Même lorsque tu parles sur les innovateurs. Si l'innovateur n'a pas menti, ne dis pas qu'il a menti. Parce que ça, c'est du volm. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال: "Al-volm ايش ظلمات يوم القيامة." Aywa. La justice, c'est des ténèbres يوم القيامة. Il faut faire attention, ya ikhwa. Il faut faire attention. Car certains, hein, ils prétendent la jalousie. Ils prétendent al-ghayra al-manhaj. Ils prétendent être jaloux, n'am, vis-à-vis du manhaj salafi. Mais ils vont parler sur les gens sans preuve. Ils vont dire: Wallahi, un tel, il a fait ça. Wallahi, un tel a fait ça. Sans preuve. Sans preuve. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, avant ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: Al bayyinatu ala al mudda'i. Celui qui prétend une chose, c'est lui qui doit ramener la preuve. C'est lui qui doit ramener la preuve. Donc il dit, rahmahullah, et étant sélectif dans ses paroles. S'il parle, il parle avec science, quand il voit qu'il y a lieu de parler. Et s'il se tait, il le fait avec science quand il y a lieu de se taire. Il se dispense de s'engager dans ce qui ne le concerne pas. Et ceci fait partie du bon islam du serviteur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il fait partie du bon islam de l'homme qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Ainsi, il s'écarte de ce qui ne le concerne pas, que ce soit dans les affaires religieuses ou mondaines. Ensuite, il dit, rahmahullah, il redoute sa langue plus qu'il ne redoute son ennemi. Et il emprisonne sa langue comme il emprisonne son ennemi, afin de se prémunir contre son mal et ses conséquences fâcheuses. Donc celui qui mémorise le Coran, l'étudiant en sciences, redoute sa langue, car il sait que c'est un danger permanent qui est avec lui tout le temps, qui ne le quitte jamais, au contraire de l'ennemi, qui n'est pas tout le temps en sa compagnie. C'est pour cela qu'il craint plus sa langue que son propre ennemi. Également, il redoute sa langue, car tous les membres du corps dépendent de la langue. L'imam al-Tirmidhi rapporte, d'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le jour se lève sur le fils d'Adam, tous ses membres exhortent sa langue en disant, crains Allah en ce qui nous concerne, car nous dépendons de toi. Si tu es droite, nous serons droits. Et si tu dévies, nous dévierons. Non. Ensuite, il dit, rahmallah, il rit peu de ce qui fait rire les gens à cause des mauvaises conséquences du rire. Ici, l'auteur nous explique qu'il ne convient pas que l'étudiant en sciences, le mémorisateur du Coran, rit beaucoup, comme la plupart des gens, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Il n'y a pas de mal à rire. Cependant, cela doit être de temps en temps, et non la plupart du temps. Car trop rire a un impact néfaste sur le cœur. L'étudiant en sciences, le mémorisateur du Coran, doit être pris au sérieux. Et s'il rigole trop, les gens ne vont plus le prendre au sérieux. Il risque même d'être pris en dérision. Il doit être dans le juste milieu. Il doit rire de temps en temps pour montrer aux gens qu'il n'y a pas de mal à rire lorsqu'il y a une certaine limite. Ensuite, il dit, rahmahullah, si quelque chose le réjouit, parmi ceux qui s'accordent à la vérité, il se contente de rire. Ce que l'auteur vient de mentionner est un point très important. Le sourire est pour une chose qui s'accorde à la vérité, et non pour quelque chose qui s'accorde au faux. Si quelque chose s'accorde à la vérité, il n'y a pas de mal à sourire. Par contre, si cette chose s'accorde au faux ou au mensonge, il est obligatoire de blâmer son auteur. Par exemple, si quelqu'un ment pour faire rire, il faut le blâmer et non sourire, car cela est interdit. Quant à sourire pour quelque chose de vérité qui nous réjouit, ceci est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait parfois. Ensuite, il dit, il déteste la plaisanterie. Il déteste la plaisanterie de peur de tomber dans l'amusement. C'est-à-dire, il déteste beaucoup plaisanter. Car s'il viendrait à plaisanter, cela risque d'avoir un effet néfaste sur son cœur. Et aussi, les gens risquent de le prendre pour un plaisantin. Ensuite, il dit, rahmahullah, et s'il le fait, il ne dit que la vérité. Comme cela était la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui l'ont suivi. Par exemple, les savants, parfois, il leur arrive de plaisanter, d'accord ? Mais ils ne mentent pas. Toujours dans les plaisanteries des mashaykhs, il y a al-ilm, al-fa'ida. D'accord ? Et tu profites du shirk. Quant à certains plaisantins que tu peux voir, parmi les faibles d'esprit, ils vont raconter des mensonges. Ils vont raconter des histoires qui ne sont même pas authentiques pour faire rire les gens. Et ceci est interdit. Et comme nous l'avons mentionné, il n'y a pas de mal à le faire de temps en temps. Surtout, ils croient que certaines personnes parmi les gens de la masse, lorsqu'ils remarquent que tu portes la sunna, pour eux, c'est comme si tu es quelqu'un de dur, rude, que tu ne rigoles pas. Hein? Par exemple, une anecdote aussi qui me vient, le jour du Eid, certains étudiants sont partis avec des enfants dans une piscine, bien sûr, dans une piscine privée. Et les enfants, bon, c'était des élèves. Et à un moment, un élève, il regarde un enseignant, il voit l'enseignant, il plonge, il nage, etc. Et l'élève, il dit, hey, le chir, il joue aussi, lui. Il rigole, etc. Il joue, il plonge, il nage. C'est comme si l'élève s'imaginait que parce que tu es un étudiant en sciences ou tu donnes des cours, tu ne vas pas rigoler, tu ne vas pas jouer, etc. Alors que non. Il y a un moment pour tout. D'accord ? Le jour du Eid, par exemple, ou à certains moments, d'accord, tu vas peut-être jouer, etc. Mais ça ne va pas être tout le temps. Lorsque également tu vas, par exemple, plaisanter, ça ne va pas être tout le temps. Ça va être de temps en temps. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut montrer aux gens, alhamdoulilah. Ce n'est pas parce que on porte la sunna, taïb, qu'on ne va pas, par exemple, de temps en temps, plaisanter et autres. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Néanmoins, la voix des gens de la sunna, c'est quoi ? La ifrat, wala tafrit. Pas de laxisme et pas d'exagération. Le juste milieu. D'accord ? Le juste milieu. Malheureusement, certains de nos frères, ils ont toujours, ou très souvent, les sourcils froncés, comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et on a certains de nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la réussite, tout le temps ils plaisantent, tout le temps. Tous les jours, à chaque cours, il faut qu'ils plaisantent. Et ceci n'est pas la voie du juste milieu. Non.